Vous êtes bien toujours sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est en plein dans l'aspect française de l'émission Hellbanger de ce soir. Voilà, petit rendez-vous métal depuis de bien nombreuses années. Doublette suivante, Dunwich Ritual et Disgorgied Fetus. Dunwich Ritual, on est sur un groupe francilien, tout récent. Ils sortent là leur premier album, un petit 8 titres. On est sur une approche Lovecraftienne, donc voilà, par le filtre du speed metal. Le groupe est emmené par une chanteuse qui tient aussi le rôle des claviers. On est sur un speed assez épique, voire même cosmique, bien old school dans l'approche. Et on aura l'occasion de les voir pas très loin de chez nous au mois de mai, puisqu'ils seront présents sur la scène du Anthem of Steel dans la région de Poitiers. En doublette avec Dunwich Ritual, là par contre on est sur des vétérans, un groupe de gore grind qui nous vient du centre-est français, Disgorgied Fetus, qui sort son premier véritable album studio. Le groupe est actif depuis 1996, même s'il y a eu un split entre 2006 et 2017. Un album putain de généreux, plein comme un boudin. 21 morceaux pour quasi une heure de gore grind bien old school. C'est sale, c'est violent et il y a tout ce qu'il faut en termes de samples. En termes de présentation, Dunwich Ritual, on s'écoutera le morceau Night Thunder, extrait de l'album The Wiretap Session, Disgorgied Fetus, Fumes of the Putrid Scent of My Baldy Bodies, extrait de l'album Obscene Undergore Annihilation. Les présentations sont faites, place à la musique. La doublette suivante va nous permettre de sortir de l'aspect française, mais vous allez voir, on va pas s'éloigner non plus trop de nos horizons nationaux. Tout d'abord, Morning Dawn, formation parisienne, active depuis plus de 20 ans, puisque le groupe a vu le jour en 2002. On est sur du Black Nin Doom, ils sortent là leur sixième effort studio. C'est bien mélancolique, c'est bien pesant, on a des morceaux avec des lignes vocales plutôt typées black. C'est chanté en français, en anglais, c'est hyper expressif et ça va chercher du côté de Forgotten Tomb dans les inspirations. Et au niveau du line-up, on peut noter des actuels et ex Ataraxy Funeralium. Et en doublette donc, c'est là où le petit lien se fait avec Morning Dawn, on retrouve les Québécois de Dissimulator. Qu'est-ce que c'est que ce nom de groupe ? C'est tout bonnement génial. C'est une sortie 20 Buckspin Records, ça fait partie de ces petits labels, tout comme Everlasting Spew, que l'on suit de très très près, parce que c'est 100% de qualité ce qu'ils nous proposent. On est sur du Trash Tech un peu death, formé en 2021 du côté de Montréal. Un power trio de Zikos bien expérimenté, on retrouve notamment le cogneur de Beyond Creation dans le line-up. Le groupe a sorti un petit EP il y a quelques temps, et là c'est le premier album, 40 minutes d'un trash tech death technique, chiadé, sans que ça balance non plus de la démonstration chiante. Ça joue ultra bien, on peut rapprocher ça d'un crossover entre Sadus Coroner et surtout les autres traîneurs américains de Voivode. C'est hyper solide, intense, inventif et varié somme toute, avec des passages un peu plus atmo, et on est sur une quand même globalité assez frontale dans l'approche. Morning Dawn, le morceau Blue Pain, extrait de l'album The Foam of Despair. Dissimulator, le morceau Warped, extrait de l'album Lower Form Resistance. Et c'est parti. We'll be right back. On prend une grande inspiration pour la doublette suivante, doublette de nouveautés, avec tout d'abord Luciferian Rites. Ça nous vient du Mexique, c'est du black metal, c'est actif depuis 2006 et le quatrième album vient de sortir. C'est un groupe mexicain fortement, généreusement inspiré par la scène finlandaise de black metal, avec en première tête des groupes tels que Ornas, Sargeist et autres Bexen. C'est ultra radical comme black metal, c'est haineux à souhait avec des bonnes lignes vocales à la chauve-souris et des lieds mélancoliques assez prenantes. Hein. Le riffing reste bien dans la tête. Recette traditionnelle, cependant passée au filtre mexicain, donc c'est hyper intéressant à s'écouter. Et ensuite, deuxième nouveauté de cette doublette, une formation américaine active depuis 2017, Knoll. C'est le troisième album studio qui vient de sortir pour ce groupe du Tennessee. C'est complètement l'apocalypse musicalement, un hein. Putain de mélange entre Fuel of Hell et du Portal. Oui, ce groupe de death ultra chaotique, négatif et décousu à souhait. Un Blackening Death Grind impitoyable musicalement avec des réos noisy. C'est pas inécoutable, hein, c'est juste hyper intense. Un espèce de chaos grandiose et contrôlé avec des passages voilà, hyper violents, rampants, sales. On est presque sur des connotations funeral doom, mais l'ensemble est hyper cohérent. Les titres vont de 2 à 6 minutes et il y en a 11 sur cet album donc de Knoll. Niveau présentation musicale, on s'écoutera le morceau Oath of Midnight Ashes, extrait d'album du même nom pour Luciferian Rites. Knoll, l'album, c'est une autoprod, il s'intitule As Spoken et on s'écoutera le morceau Offering. C'est parti. on s'approche tout doucement de la fin de l'émission de ce soir, avec pour la doublette à venir Boundless Chaos et Deepigus, des groupes qu'on vous a déjà présentés ces dernières semaines, mais on va quand même prendre le temps de se remettre à jour. Boundless Chaos, on est sur du thrash death allemand, formé en 2017, c'est le premier album qui vient de sortir chez Dying Victims. C'est du thrash death, mais donc ultra old school, qui va chercher dans les vieux Dark Angel, Possessed et premier Sepultura. 9 titres pour 35 minutes d'un thrash death bien frontal. Voilà, comme on peut s'y attendre quand ça vient de chez Dying Victims. Deepigus, ensuite, du bon death bien cradingue qui nous vient de Californie, actif depuis une dixième année. C'est le troisième effort studio qui vient de sortir. Du death crado avec des lignes vocales à la sauce Autopsy Impetigo, d'ailleurs dans l'artwork on peut complètement retrouver un hommage à Impetigo. Et voilà, pour des formations un peu plus récentes, on peut rapprocher ça d'un Undergang. C'est bien crado, vraiment, un peu doumisant et surtout bien primitif. Deepigus, donc l'album s'intitule tout simplement Deepigus. On s'écoutera le titre Vipers at the Pony Keg, avant ça Boundless Chaos, le morceau Cromer's Whistle, extrait de l'album Sinister Upheaval. C'est parti. Let us go. pour la suite, on va s'écouter une doublette de Moom, ce groupe qu'on vous a présenté la semaine dernière. On est sur du Grindcore Power Violence qui nous vient de Tel Aviv en Israël. C'est une femme qui tient également le micro au sein de Moom, active depuis une dizaine d'années. C'est le premier album qui vient de sortir, notamment chez Livixiviat Records. 17 titres pour 19 minutes. Voilà, il n'y a pas à tortiller du cul. C'est ultra radical, frontal, militant et engagé. Il y a juste le dernier morceau, un peu à la Blockheads, qui est plus sludgy et qui avoisine les 5 minutes. Voilà, pour le reste, on est sur des titres qui ne dépassent pas les 1 minute 30. C'est voilà, ultra énervé ce que nous propose Moom, et ils ont bien raison. On retrouvera ensuite un autre morceau de Split Knuckle, voilà, le groupe de hardcore anglais, qui vient de sortir son nouvel effort, Breathing Through the Wounds. On s'écoutera le morceau de l'album, et juste avant ça, donc une doublette Moom, le morceau Atovat et le titre Ma Atakafted, extrait de l'album Plague Infested Urban Dump of the Future. C'est parti, que de la tendresse! que c'est beaucoup trop cool, on va se réécouter un titre de Narbeleus, hein, puis voilà, ça permet de condenser un peu les diffusions qu'on vous propose avant de passer à d'autres nouveautés. Voilà, Narbeleus, ce groupe de black origine de Cuba, mais qui maintenant évolue en Espagne. Un second extrait d'album Pelcron avec le titre The Ethereal Dance Through Mist and Starlight. Je soupçonne Sylvain d'avoir choisi ce morceau juste parce que le titre est à rallonge. C'est parti. We'll be right back. On arrive à la fin de l'émission pour aujourd'hui. On a entamé l'émission avec une doublette de violence. On va donc logiquement clôturer l'émission avec une doublette de violence, amour et volupté. L'occasion de se présenter en musique la prochaine date de Something for the Youth, l'assaut hardcore qui va nous faire une fois de plus trembler et suer le Canadian le samedi 17 février avec un plateau 100% anglais. On a du hardcore, trash hardcore, du beatdown, du death hardcore, avec des groupes pour la plupart signés chez Days Records ou en phase de lettres. Blood, Fury, Malignant Method, c'est les deux groupes sur quatre qu'on va s'écouter ce soir. Blood, Fury, le morceau Fear Feeds, extrait de l'EP qui était sorti en 2022. Malignant Method, Family Ties, extrait de l'EP du même nom, également sorti en 2022. Et tout ça, ce sera présent au canal le samedi 17 février. Avec deux autres groupes qu'on s'écoutera dans les semaines à venir d'ici au concert. Sur ce, excellente fin d'écoute, excellente soirée à toutes et à tous. Rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission en différé. Ciao, ciao.